真是无用。 Y a du bénéf au final, on les pardonne. On est tous rentrés dans gang, on les fascine. On les cartonne, on les tartine. J'dis salam alaikum, on est platine. Ça fait des dictées et des interros. Après l'apéro, sur quoi on montera. Chaque nouveau contrat, ça me coûte un frérot. Le petit master est la main, rajoute un zéro. Mes gros doigts sur la musique de France. Toi tu me fais des grandes accolades mais tu m'aimes pas. Masterclass, publishing, j'pense t'as pas capté l'ambiance. Tu m'as rincé un 4-4, tu sais même pas. Si on reste en face, don't panic. Pour un mauvais regard, company. Approche les musiques, en 360. Arrive la menace, tout faire lâche company. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Sacrifié tout pour le fame, éclairé par les feux. Ils ne croient que des génies qui n'exauceront pas leurs vœux. Et je ne convoite pas leur fin, et je ne convoite pas leur dieu. Affranchi contre le game, je ne convoite pas leur jeu. Que c'est quota, pas de trips, pas de blots, pas de mota. Que des porte-valises, on les voit qui s'organisent. Mais le temps qu'ils réalisent, il sera trop tard. Toute la rébellion qui chute, c'est des lutins. C'est toujours le sens du but et du butin. Ça en sort bien, ça en plein pas. Gardez bien dit d'être sympa, putain. C'est des espions, c'est des intrus. J'reprends camion pour nous conduire. Malgré la question à guerre, pour des points de vue. Donc il fallait bien quelqu'un pour les construire. C'est des traîtres, c'est des taupes, c'est des fous nazis. Le rappeur qui est dans ton cœur, je suis peut-être son parrain. C'est des trash, des fakirs, c'est des fougazis. Des poissons dans un bocal, dans un sous-marin. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Sacrifier tout pour le fait.